Welcome. Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Eric Cooper et chaque semaine je vous invite avec la croisière folk à découvrir toutes les facettes de la musique folk. Une fois par mois, la programmation est 100% féminine et c'est le cas dans cette émission. J'espère bien sûr que ça vous plaira. Si vous avez envie peut-être de réagir à cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, lacroisierefolk@yahoo.com. We have a Facebook page. If you want to like the page, feel free. We have an address also. If you want to write to us, lacroisierefolk@yahoo.com. Don't hesitate to send your CD if you are, of course, a folk music artist. Alors, comme je viens de le dire à notre audience internationale, n'oubliez pas que nous avons donc cette adresse qui vous permet d'envoyer vos CD. Hein. Vous êtes un artiste folk, eh bien, envoyez-moi, comme le font beaucoup, j'en sois régulièrement. D'ailleurs, la semaine prochaine, l'artiste que je vais vous proposer, c'est un Canadien qui m'a envoyé son album et je l'ai trouvé excellent. Je vous le ferai découvrir. Alors, on a démarré avec Pamela Morgan, It Ain't Funny. On va poursuivre avec Annie Grace, Lynn Morrison et Rendance, Mary Black, Treasure Island, et puis Maud O'Day avec La Montagne. C'est un extrait de son album de 2017 intitulé Comme une odeur de déclin. Alors, Maud O'Day, c'est une autrice, compositrice, interprète québécoise. Sa voix est douce, légèrement égratignée et ses textes sont pertinents. Il faut savoir qu'elle crée sa musique comme elle rêve de grandiose au quotidien. Allez, tout de suite, Annie Grace, Lynn Morrison avec Rendance. You're listening to the best radio station on the planet. Say I never felt that way before. after her dreams, and she is the one and only one who knows how hard it could be. There's treasure on her island, buried in the city of news. Wish I could say we didn't have that much to lose. Could not see the good in his life, in his mirror or his coffin, his hopes had come down like a knife. It's a stream running up a mountain, it's a wave rolling out from the shore. Wish I could say I never felt that way before. There's treasure on these islands, regarder, ne se rappeler. Maud Audet, La Montagne à l'instant. Et tout de suite, voici 1, 2, 3, une chronique qui vous permet en trois morceaux de vous faire découvrir un 33 tours. 1, 2, 3. Oui, et pour les plus jeunes d'entre vous, le 33 tours, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un CD, ou plutôt un MP3, hein, puisque le CD est malheureusement, les ventes sont en baisse. C'est bien dommage. Moi, j'aimais bien le 33 tours, parce qu'on pouvait les toucher, on pouvait les déposer sur la platine. Oui, encore une platine, c'est peut-être pas quelque chose que les plus jeunes d'entre vous connaissent. C'est l'album Road Runner, un album sorti en 1989, c'est les Smith Sisters. Alors, il faut savoir à propos des Smith Sisters, donc c'est un groupe composé de Megan et Debbie. Leur premier album s'appelle Bluebird, sorti en 84. Il avait été produit par Merle Watson. Il y avait aussi un certain nombre d'artistes bluegrass qui avaient participé, comme Sam Bush, Mark O'Connor, Doc Watson et T. Michael Coleman. Alors, elles sont en fait, elles se sont fait reconnaître pour leurs harmonies vocales qui s'étendent sur plusieurs octaves, qui les ont véritablement mis en valeur, et ça a fait leur force, hein, à ces Sisters. Alors Debbie, qui a fait partie du groupe Four Bitching Babes depuis 94, elle est aussi douée pour la guitare acoustique et pour le bodhrán et le piano. Elle possède un registre vocal à 3 octaves et écrit de nombreuses chansons. Megan ancre les arrangements à la basse électrique et chante les harmonies qui se marient naturellement avec sa sœur. Alors, elles ont sorti 5 albums dans les années 80 et 90. Le Bluebird, mentionné plus haut, en 84, suivi de Mockingbird en 86, Roadrunner en 89 qu'on va découvrir, I See the Moon en 91 et A Canary Song en 93. Alors, qu'allons-nous découvrir comme morceau donc de cet album Roadrunner des Smith Sisters? Eh bien, The Bramble and the Rose, The River and the Moon et Crazy Over You. Nobody does it better. Love goes like the bramble and the table grow by the riverbank. And every day I pick a fresh bouquet. I keep them to remind me of the feeling that I felt the only time my heart got swept away. Well, I'd seen him in the city, and I knew he saw me too. Without words, we both spoke our minds. But we knew that city sidewalk was as far as we would go, as long as she was walking by his side. Then one evening on the levee, I saw him skipping stones. I was picking flowers and he was there alone. It was almost like we planned it. It was too good to be true. And no one knew but the river and the moon. And I told him he was kind. We sat and talked and watched that river run. Two shadows in the moonlight, moving closer still, closer till they melted into one. Then one thing led to another, and we laid our hearts down there. And before we left each other, he put a flower in my hair. We never told nobody, no one ever knew, no one but the river and the moon. When I look up at the moon, I see his silhouette and my reflection in the water. By the riverbank, every day I pick a fresh bouquet. No one knows but the river and the moon. Thank you. Bel album qui date de 89, qui était réédité en CD d'ailleurs, The Smith Sisters avec Road Runner, The Bramble and the Rose, The River and the Moon et Crazy Over You. C'est les trois morceaux que je vous ai fait découvrir. Je vous fais aussi découvrir des podcasts régulièrement. Et il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, ça s'appelle The Green Letter Club. On peut l'écouter sur YouTube et aussi sur Spotify. Alors, le Green Letter Club, hein, c'est un podcast qui donne la parole à des personnalités hyper pointues pour décortiquer les grands sujets écologiques. Alors, du capitaine d'industrie au patron d'ONG en passant par le spécialiste du pétrole, le Green Letter Club entre pendant plus d'une heure dans l'intimité de sujets qui vont changer le monde et votre quotidien. Moi, je vous propose d'écouter un extrait du tout dernier podcast donc, du Green Letter Club. Ça s'appelle « L'Antarctique est-il lui aussi en train de fondre ?» Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Antarctique. Fonte des glaciers ou iceberg géants, le pôle Sud n'est pas épargné par le changement climatique. D'où cette question, l'Antarctique est-il lui aussi en train de fondre ? Pour y répondre, nous recevons Lydie Lescarmentier, glaciologue ayant effectué de nombreuses missions en Antarctique, autrice de La Voix des Pôles et désormais responsable scientifique à l'Office for Climate Education, fondation sous l'égide de l'UNESCO. Bonjour Lydie Lescarmentier, vous avez eu le privilège de réaliser plusieurs missions en Antarctique, mais aussi d'écrire un super bouquin, La Voix des Pôles, sur le sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, présenter votre parcours, comment vous en êtes venu à travailler sur ces sujets-là ? Alors, moi je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombée dans le bain rapidement. Extrait du Green Letter Club, un podcast que vous pouvez retrouver sur YouTube et aussi sur Spotify. Et puis si vous cherchez mes podcasts, ils s'appellent Les Interviews d'Eric Cooper. Je suis aussi sur YouTube et sur Spotify et sur Mixcloud et sur plein d'autres plateformes. Allez, tout de suite, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est une programmation 100% féminine. Voici The Cody Sister Band avec Wild River, Les Troubadours of Divine Bliss avec Walk by Your Side, extrait de leur album Live qui date de 2005, et The Crickets avec Guinevere, extrait d'un chouette album sorti en 2016 qui s'appelle Spanish Moss Siren. River rolls.

each other. All we've been as the morning sky embraces the sun. Never let go of your hand. Always be here. Be the champion for your cause. Show you the winnings when you think you've lost. Be the pen you fiercely embrace as you fill the clean page. Through the years I'll be there, keeping the rock in your rocking chair. Your silent need and quietest prayer. Be the angel hoping to miracles come true. As you wish, I'll follow. Always be here for you. I'll walk by your side. I'll walk by your side. I'll be by your side. For all we are to each other, all we've been, as the morning sky embraces the sun. Absolument génial et fantasmagorique. Guinevere, Guinevere, could you find peace here in my home in the sweet southern pine? Guinevere, Guinevere, please save me from tears. Won't you rest your pretty head next to mine? Guinevere, Guinevere, could you Bienvenue à vous, c'est la Croisière Folk. N'hésitez pas, si vous avez envie de nous lâcher un petit mot, nous dire bonjour, envoyer des photos de vous ou de la ville, de votre ville, hein, parce que c'est la ville où vous nous écoutez, eh bien vous n'hésitez pas, lacroisièrefolk@yahoo.com. Connaissez-vous Anne Siro et Raphaël Balboni? Eh bien, ce sont les réalisateurs du film La vie démente. C'est un film qui raconte l'histoire d'Alex et de Noémie qui voudraient bien avoir un enfant. Mais lorsque Suzanne, la mère branchée d'Alex, adopte un comportement de plus en plus farfelu, les choses se compliquent. Alors, si ce film n'est pas sur vos écrans, sachez qu'il sera bientôt en DVD. Et moi, justement, j'ai rencontré Anne Siro et Raphaël Balboni. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans le podcast qui s'appelle Les interviews d'Eric Cooper. Ce sont des interviews, des podcasts que je réalise chaque semaine, en plus bien sûr de la Croisière Folk. Et vous les retrouverez sur Mixcloud, YouTube, Spotify, Soundcloud. Enfin bref, voici donc Anne Siro, Raphaël Balboni. Après chaque prise, on discutait entre nous pour se mettre d'accord sur ce qu'on allait dire aux comédiens. Maintenant, ça fait un petit temps quand même qu'on fonctionne ensemble et on a fait pas mal de films. Du coup, quand on dit couper, on va vers les comédiens sans se concerter, on parle aux comédiens à deux voix, et on n'a pas peur non plus de pas forcément toujours être d'accord. S'il y a un moment où on dit quelque chose d'opposé, bah, on va en discuter devant tout le monde, c'est pas un souci. C'est aussi parce que peut-être on a plus confiance en nous, mais en tout cas, du coup, on fait tout à deux et de manière, avec tous les postes, quoi. On se définit aucune tâche chacun, quoi. Comment vous êtes devenue réalisateur et réalisatrice ? Moi, je suis un peu devenue, on va dire, en passant d'une chose à l'autre, parce que j'ai une formation scientifique. Moi, j'ai fait des études scientifiques au départ, et puis j'ai fait des études d'urbanisme. Mais tout cela était toujours beaucoup mêlé d'implications dans des projets de théâtre, de cirque. C'est vraiment un film à aller voir, Une vie démente. Les deux réalisateurs sont Anne Siro et Raphaël Balboni. Vous venez d'en écouter un extrait de cette interview que j'ai réalisée au cinéma Le Palace à Bruxelles. Pour entendre toute l'interview, vous allez simplement vous taper sur Google les interviews d'Eric Cooper et vous choisissez votre plateforme préférée. Alison Pierce, tout de suite avec Sea of Love, extrait de son album Year of the Rabbit. L'album est sorti en 2018, c'est son premier album solo. Avant ça, eh bien, elle a fait partie du duo folk rock The Pierces avec sa sœur Catherine. Carla Bruni, Quelqu'un m'a dit, extrait de l'album live à l'Olympia en 2014. Carla Bruni, vous savez que ses deux premiers albums étaient folk. Et dans cet album live, eh ben, elle reprend certains des morceaux de ses deux premiers albums qui, je vous le rappelle, étaient folk. Et puis quelqu'un que j'ai aussi eu le plaisir d'interviewer, c'est Émilie Landry. Elle est acadienne. Et cet extrait de son nouvel album qui s'appelle Arroser les fleurs, album sorti en 2020, Bouillir de la misère. Elle a reçu un prix d'ailleurs pour le clip de cette chanson. Émilie Landry, donc si vous voulez entendre son interview, vous tapez les interviews d'Eric Cooper, Émilie Landry, et sur Google, vous inscrivez sur le moteur de recherche, hein. N'allez pas taper sur les gens, ça c'est pas bien. Voilà, donc Émilie Landry, tout de suite Alison Pierce. Lazy summer afternoon and far away the winter gloom. Us out of doors from dusk till dawn. All we need is you and me. The rest is all just history, but we will.

Lagounette, hein, avant de passer à la prochaine chanson, Stacy Grubb, Because You Love Me, c'est une petite blague que j'ai trouvée dans mon calendrier. Allez, lassé de s'entendre dire chaque fois qu'il vient à Paris, qu'il ouvre la bouche, « Ah, vous êtes belge !» Un Bruxellois décide de prendre des cours de diction et de se débarrasser de son accent. Après 3 mois de travail acharné et d'exercice, il y parvient enfin. Plus rien dans ses intonations ne trahit son origine. Alors il se rend à Paris et le matin, en sortant de l'hôtel, il traverse la rue tout joyeux, pousse la porte de l'établissement en face, s'accoude au comptoir et demande sans la moindre trace d'accent « Donnez-moi un grand crème et 2 croissants ». « Vous êtes belge ?» fait l'autre. « Comment le savez-vous ? » Parce qu'ici, répond l'employé, c'est une banque. Voilà, Stacy Grubb, Because You Love Me. Et vous trouvez ça drôle ? Non, moi non plus. Et voilà, l'heure tourne, ding dong, il est temps déjà de se dire au revoir. Merci hein, pour votre fidélité. Alors, petit rappel, la page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Et si vous avez envie de nous écrire, parce que vous avez peut-être des annonces à faire aussi, hein, vous avez des concerts ou des festivals folk que vous avez envie d'annoncer, c'est lacroisièrefolk@yahoo.com. On se quitte avec Clarisse Lavanant, extrait de l'album de 2014, L'encre à rêver. La chanson Les étrangers, dites, vous allez dire que je vais encore faire ma pub, hein, mais Clarisse Lavanant, si vous cherchez les interviews d'Éric Cooper, je l'ai aussi interviewé, comme ça vous aurez plein de choses à écouter. If you organize a folk music festival, if you want to promote it on my program, don't hesitate to write to me, my address, lacroisièrefolk@yahoo.com. Voilà, comme ça tout le monde a pu me comprendre, même ceux qui nous écoutent du fin fond de la Sibérie. Tiens, mais je me demande si on a des auditeurs russes tiens, qui nous écoutent. N'hésitez pas, si vous êtes russe, que vous nous écoutez, envoyez-nous un petit mot. Clarisse Lavanant, Les étrangers, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et que la force soit avec vous. I'll be back. Regarde-la ta voile, elle a les seins gonflés. La marée de tantôt te l'a déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis. Mais ce genre de bateau, ça drague pas dans Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau. Les marins, c'est marrant, même à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillant que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme en avril 68, l'eau chute, tu t'en souviens, la mer on s'en foutait, on était 3 copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu, tout prêt à se suicider. Quand la mer se ramène avec des étrangers, hommes ou chiens, c'est pareil, on les regarde naviguer. Et dans les rues de Lorient ou de Brest.